9-1. Black Brut 9-1. Lonnie Clean 18ème. Kozinyama 92. Patate de Zaiko. Petit Kepanayo. Attention, que la jalousie garde la pêche et avale le noyau. Dans les bars, j'arrive en tête des scrocs. Skek de Zaiko, celui qui a tué ta carrière. MC s'appelle Zico. Dans ses têtes, mon style assassine comme la cesse. Y'a qu'en garde à vomitard, on a le temps de faire la sieste. C'est du lourd, c'est de la bombe. Bref, appelle ça comme tu veux. Bah ouais. T'as pas les couilles pour tester, joue pas avec le feu. Frère, reconnaisse vrai, demande à Black Brut et Loni. Fuck les imposteurs et les mangeurs de pepperoni. 2012, on arrive alors qu'Eban à ma Kofi. Le rap sera jamais mort. Bangon des Bakoufi, j'ai la carrure de Jadakis. Le soir qu'à Kofi, trop de chrome dans la script, bulge de passe un coup de fil, nous. On représente l'Afrique, Poli Guinini. On brise les carrières des rappeurs d'un Molini. On fleurissonne comme une patate pour les 9000. Celle-ci, c'est pas compact, c'est un coup de béni. Ça vient de Matongé, Lemba, Jili, Kikuit, RDC, Bana Kinshasa, patate de Zaïroa. Tu vas repartir avec deux dents à terre. On accélère, on a plus de temps à perdre. Ça vient de Matongé, Lemba, Jili, Kikuit, RDC, Bana Kinshasa, patate de Zaïroa. On accélère, on a plus de temps à perdre. Ferme ta gueule, ici ça rappe. Je me défoule sur les MC à défaut du sac de frappe. Ouais. Tiens ta langue avant que je la foute dans un sac de crap. Ouais. On vient tout baiser, mixtape pornographique. Prendre des thunes dans le rap, j'ai mis fin à mes trafics. Tu fumes de l'air, moi, je fume des feuilles de manioc. Main sur la boîte 6, Werason dans la bagnole. On tape les tractions pour que nos bras prennent. Dédicacé aux patates de dollars de Fleury à Fren. J'ai écarte-toi que les Z passent. Ouais. Comment ça maintenant en radio, c'est les gays passent. Hein? Patate de Z, ouais. Et que Ego Fast, viens te la manger. Tu verras ouais. Sukino Kosa. Je me jette des fleurs parce que personne ne m'en offre. Y'a de la demande de feat, rarement je leur en offre. Vouez-nous, t'sais, les années de mon côté. Patate de Z pour ceux qui essaient de boycotter. Ça vient de Matongé, Lemba, Jili, Kikuit, RDC, Bana Kinshasa. Patate de Zaïroa, tu vas repartir avec deux dents à terre. On accélère, on a plus de temps à perdre. Ça vient de Matongé, Lemba, Jili, Kikuit, RDC, Bana Kinshasa. Patate de Zaïroa, tu vas repartir avec deux dents à terre. On accélère, on a plus de temps à perdre. Là c'est patate à la Zaïko. Loni Clean, Black Brut, Kosi, pire qu'un rail de coke. J'ai la magie du bled venu de Jilly. Si tu salis mon nom Mani, croche à la Mohamed Ali. On n'est pas de la même catégorie. Appelle-moi Frasé, Forman ou encore Oncle Phil. Tu peux t'être sur un coup de fil. Je compte plus le nombre de billes de dès que les mecs ont qui avant le deal. Petit Malembe, Tikaba Makelele. Obligé trop froidir, les man un peu trop scellés. Nazamoune l'été, tu peux y rester. Viens pas tester ou on te craint comme des mikatés. Jamais le ventre vide. Quand on fait le taf, si t'as mal au crâne, c'est normal, c'est de la bonne frappe. Faites place au master, explose au ghetto blaster. Malewa sur les ondes, ça fera l'affaire. Ça vient de Matongé, Lemba, Jili, Kikuit, RDC, Bana Kinshasa, patate de Zaïroa. Tu vas repartir avec deux dents à terre. On accélère, on a plus de temps à perdre. Ça vient de Matongé, Lemba, Jili, Kikuit, RDC, Bana Kinshasa, patate de Zaïroa. Tu vas repartir avec deux dents à terre. On accélère, on a plus de temps à perdre.